Chapitre 27e. Les assassins ailés. Paulin Broquet, à qui Gabriel, tout en faisant son service de valet de chambre, racontait l'équipée de l'amorce, écoutait attentivement. Il regardait la cigarette ramassée par la pseudo-ordonnance et en déchirait le papier. « C'est bien du tabac anglais, » dit-il. « C'est de ce tabac que fume cette jeune personne qui m'a délivré, dont j'ai reconnu l'arôme opiacé à son haleine. » Il conclut. Tout cela nous indique que les zygomares vont agir. Nous le savons d'ailleurs. Mais cela ne nous dit pas pourquoi cette femme m'a arraché aux mains de ces bandits, ni pourquoi nous la retrouvons aujourd'hui en jeune cavalier aux environs du château de Briailles. Toutefois, Paulin Broquet ne voulut pas perdre son temps à chercher dès maintenant la clé de ce mystère. Sans plus s'arrêter à ce fait nouveau, si grandement mystérieux, il poursuivait le but qui l'amenait ici. Avec Gabriel, il put pénétrer en secret dans la chambre qui avait été donnée à Raymond de Montreuil, dans celle d'Irène de Valtour. Elle se trouvait aménagée dans l'appartement qu'occupait généralement Alice. Les trois amis pouvaient être ainsi plus commodément chez elle ensemble. Les trois pièces communiquaient et se trouvaient reliées par un petit salon où Alice et Raymond recevaient leur fiancé et Raoul, où parfois le comte de Marnay venait demander si on lui permettait ainsi qu'à ses amis de présenter leurs hommages aux jeunes filles. Paulin Broquet, après avoir étudié la chambre de Raymond et celle d'Irène de Valtour, s'attarda plus longuement dans celle d'Alice de Briailles. En entrant dans la chambre de la jeune fille, Paulin Broquet dit à Gabriel « Ça sent très fort le cuir de Russie, c'est vrai, chef. Pourquoi ? Ce n'est pas une odeur qu'affectionne spécialement Mademoiselle Alice. Je ne crois pas. Mais cette odeur vient de ce sous-main en cuir de Russie qu'elle a sur le secrétaire de Mademoiselle Alice. Ce sous-main est un cadeau de bonne amitié du comte à sa chère cousine. Il y a longtemps qu'il lui a donné ce sous-main, ces jours-ci seulement. Paulin Broquet ne dit plus rien. Il se mit à faire le tour de la pièce, furetant, examinant, cherchant. La chambre était garnie de façon charmante de meubles blancs de l'époque Louis XVI. Dans cet ameublement blanc, quelques objets arrêtèrent le regard de Paulin Broquet. C'étaient des abat-jours en soie bleue, formant d'énormes fleurs et un cache-veilleuse également bleu. En vérité, ces objets, quoique n'étant pas, sinon de l'époque, tout au moins du style de l'ameublement, n'auraient pas plus que le sous-main art moderne, trop fait tache dans l'ensemble, si leur couleur bleue avait été plus discrète. « Un peu trop bleu, en effet, » dit Gabriel, à qui Paulin Broquet le faisait remarquer. « Mais c'est exprès que tout est bien comme cela, » affirma le détective. « Exprès, parfaitement. » « C'est sans aucun doute encore un cadeau du très aimable cousin à sa cousine. »« Oui, chef. » Le comte de Marnay prétend avoir gagné ses objets dans une loterie mondaine de bienfaisance. Comme ce sont, affirme-t-il, des ornements de chambre de jeune fille, il a prié sa cousine de les accepter. Mademoiselle de Briailles n'a pas pu refuser. Le soir, cette veilleuse demeure allumée. Oui, chef. Avec par-dessus cet abat-jour de soie bleue. Oui, chef. Cela répand, paraît-il, par toute la chambre une lueur bleue, en somme pas désagréable. Paulin Broquet se mit à sourire. Bon, maintenant je sais ce que je voulais savoir. Je suis à peu près fixé. Puis il alla à la porte. Il en examina consciencieusement la fermeture. Ah, il y a un bourrelet sur les côtés, dans le bas, et même dans le haut. L'air, certes, ne peut courir par les jointures, ni l'air, ni rien d'autre. Paulin Broquet étudia la serrure. Elle n'avait qu'une paume en bronze ciselée comme les gonds, pas de clé, mais un cache-entrée en bronze également représentant un mascaron du style de la chambre. Impossible également au vent et au reste de passer par cette serrure. Paulin Broquet se gratta le menton, ce qui était chez lui un signe de perplexité, et il se mit à étudier les murs, le bois même de la porte, le plafond. Fit-il, plissant le front, est-ce que je ferai fausse route ? Est-ce que tout cela ne serait que précisément pour donner le change, nous faire chercher d'un côté quand le coup viendrait d'un autre, d'une façon différente, que nous ne pouvons soupçonner ? Mais réfléchissant, il ajouta, « Et cependant, cependant... » Il prit dans ses mains l'abat-jour de la veilleuse, l'examina, chercha minutieusement dans les plis de la grande fleur bleue. Il n'y trouva rien. Alors il vint au secrétaire de la jeune fille. Il s'assit dans le petit fauteuil et se mit à regarder non dans les tiroirs, mais sur le meuble, dans les rainures des moulures, comme s'il y voulait compter les grains de poussière. Et il examina aussi le fameux sous-main en cuir de Russie moderne style, don du prévenant cousin. Et tout à coup il s'écria, « Ça y est, voilà, j'ai trouvé. Je savais bien que je ne me trompais pas. Voilà la preuve. Qu'y a-t-il, chef ? Demanda Gabriel. Qu'avez-vous trouvé ? Regarde, là, là. Du doigt, Paulin Broquet indiquait sur le sous-main un point à peine apparent. Ça ? Fit Gabriel. Ça, mais c'est un moustique. Oui, un moustique, répondit le détective. Tu l'as dit, un moustique. Regarde. Il a enfoncé son dard dans le cuir, profondément, et après cet effort, il n'a plus assez de vigueur pour se dégager, et il est mort là comme pris au piège, et le voilà. Paulin Broquet prit dans le secrétaire une feuille de papier à lettres, une enveloppe, et y en serra le moustique délicatement avec une plume, il arracha au sous-main en cuir de Russie. Puis il dit à Gabriel, qui, très intrigué, le suivait dans ses mouvements, il ne te semble pas étonnant à toi de trouver ici, dans cette chambre, en cette saison surtout, un moustique ? J'avoue, chef, que... Eh bien, c'est ce moustique que je suis venu chercher. Ce moustique. Oui, ce n'est pas un vulgaire culex. C'est... J'ai sérieusement étudié ces insectes. C'est un anophèle ou un stégomia femelle. C'est le moustique qui transmet la peste, qui donne la mort. Oh ! Fit Gabriel en frémissant. Paulin Broquet reprit... Il est un fait incontestable, c'est que le comte de Marnay a assassiné ses parents en les empoisonnant. Mais de quelle façon? Comment s'y prenait-il pour leur communiquer le terrible mal? Au moyen de quelle piqûre? Voilà ce que nous ne pouvions deviner. Mais le sous-main, les abat-jours bleus, m'ont mis sur la voie. Et maintenant, je suis certain, c'est avec ces moustiques que le comte de Marnay donnait la mort. Le détective ajouta, les anophèles, les stégomiens ne piquent que dans l'obscurité. Ils ont horreur du jour et peur de la lumière rouge. Mais, par contre, la lumière bleue les attire et les affole. De plus, ils adorent l'odeur du cuir. L'odeur du cuir de Russie, surtout, les grise, les énerve, les rend plus ardents et leur fait redoubler leur piqûre. Je comprends, chef. Voilà la raison des cadeaux du cousin à sa cousine. Voilà, conclut Paulin Broquet. Maintenant, il nous reste à savoir comment le comte s'y prend pour faire vivre ces moustiques par ce froid et pour les lancer ici dans cette chambre, car il est certain qu'il en a lancé déjà quelques échantillons, puisqu'en voici un. Je crois que si son coup n'a pas réussi, c'est qu'il faisait trop froid dans cette chambre et que ses auxiliaires sont tombés avant d'avoir pu remplir la terrible mission qu'il leur confiait. Paulin Broquet avait, on s'en souvient, passé la veille la plus grande partie de la nuit à guetter dans le corridor sur lequel donnait l'appartement du comte de Marnay. Il n'avait rien entendu de suspect. Le comte, certainement, n'était pas sorti de sa chambre cette nuit. Comment donc avait-il pu faire pénétrer les moustiques dans la chambre de la jeune fille ? Paulin Broquet se le demandait avec anxiété. Peut-être le comte a-t-il fait le coup pendant une des nuits précédentes, avant ma venue ? Possible, cela, chef. Et il attend 2 ou 3 jours pour savoir si son coup a réussi, et si le mal commence à se déclarer ? Bon, dans ce cas, ne voyant rien, il comprendra que ces moustiques n'ont pas donné et il recommencera dans de meilleures conditions. Il recommencera. Alors Paulin Broquet revint dans la chambre de Raoul où il devait se tenir caché et où Gabriel lui montait en secret à manger. Vers le soir, Gabriel lui apportant un dîner lui dit « Chef, le comte de Marnay vient de me donner un ordre assez bizarre, mais dont vous saisirez l'importance. Quel ordre ? Faire du feu dans tous les appartements. Ah ! Sous quel prétexte ? Pour chasser l'humidité qui emplit les chambres, il faut, paraît-il, sécher la maison. Le comte ne veut pas qu'on s'enrhume au château. Ni que les moustiques gèlent et ratent leur coup. Bon, bon. Mon brave Gabriel, fais donc du feu. Ici, chez le capitaine, chez ces demoiselles, surtout chez mademoiselle Alice. Le comte a raison. Il ne faut pas qu'on s'enrhume ici, et encore moins qu'on y attrape la fièvre. Et il dit à son second, quant à toi, comme il est plus que certain que le coup est pour ce soir, tu te tiendras dans le couloir du haut, où sont les appartements du comte et des barons, ses amis. Tu les laisseras passer, mais au retour, tu barreras le chemin. Compris, chef. Paulin Broquet renvoya ensuite Gabriel, lui disant « Dis à Raoul ou Montreuil, sous un prétexte plausible, de monter dans sa chambre dès qu'on aura dîné, avant les autres, 2 minutes seulement. » Après le dîner, pendant que tous les autres devisaient en prenant le café, fumant en attendant l'heure de monter se coucher, Raoul, tout naturellement, pour prendre des cigares dans sa valise, monta dans sa chambre. « Il faut, lui dit Paulin Broquet, que ce soit Alice de Briailles ne couche pas dans sa chambre. Bien. Arrangez-vous pour que, sans que personne ne sache rien, votre sœur Raymonde l'emmène chez elle, la garde. Il faut ensuite que les veilleuses, reste allumée chez votre sœur Raymonde et chez mademoiselle de Valtour. Si l'une d'elles veut atténuer la veilleuse, dans ce cas, couvrez-la avec une étoffe rouge, c'est facile à trouver, ou même de papier rouge. Mais c'est important, du rouge. Du rouge. Puis, fermez les portes de communication, isolez la chambre de mademoiselle Alice, tout cela, mon cher Raoul, adroitement. Ce fut fait comme le voulait Paulet Broquet. Alice savait qu'elle devait obéir sans hésiter. Elle fit semblant d'occuper sa chambre comme de coutume, puis se réfugia chez son amie Raymonde. Quelqu'un alors prit sa place. Ce quelqu'un était Paulin Broquet qui laissa, lui, allumer la veilleuse à abat-jour bleu. Puis, dans le château, le grand silence se fit. Dans la journée, Paulin Broquet avait été visiter la chambre du comte de Marnay et celle de ses amis. Chez le baron du Jard et le décoratif baron Dupont, il ne trouva rien qui attira son attention. Il put fouiller à son aise dans leurs malles, leurs valises, leurs sacs. Ils avaient pris leurs précautions assurément et ne portaient que des documents de toute loyauté, de toute honnêteté, comme ceux dont les francs chenapans n'oublient jamais de se munir. Dans la chambre du comte, rien de suspect non plus. Paulin Broquet sentit en y pénétrant l'odeur âcre de l'alcool à brûler. Mais, sur la table de toilette, un fer à friser les moustaches reposait sur un petit réchaud. Pour tout autre, cette constatation aurait suffi. Paulin Broquet ne s'en contenta pas. Il flaira encore et finit par sentir que l'une des malles du comte, malle qui devait contenir des objets de toilette et demeurait fermée, exhalait aussi très fortement cette odeur d'alcool à brûler. Ce n'était pas d'ailleurs du vulgaire alcool de bois, mais de l'esprit de vin dont on se sert dans les lampes de laboratoire. Une fiole de cet alcool se trouvait près du réchaud à moustache. « Oh ! » fit le détective. « Le comte a l'odorat bien sensible qu'il faille pour se friser de cet alcool. » Et Paulin Broquet se dit « Ce réchaud à moustache est mis là exprès. C'est dans la malle que se trouve l'autre, celui dans lequel principalement brûle cet alcool de choix. » Mais cette malle était fermée, si bien que Paulin Broquet jugea qu'il ne pouvait l'ouvrir sans détériorer la serrure, sans laisser des traces d'effraction. « Bon, bon, » fit-il, « laissons cela intact. Nous y reviendrons plus tard. » Paulin Broquet, maintenant au milieu de la nuit, se tenait dans la chambre d'Alice, contre la porte, assis dans un fauteuil, écoutant, attendant, tout en conservant une immobilité de statue. Dans la chambre chauffée par un feu de sarment, allumé sur l'ordre du comte pendant le dîner, et dont il ne restait plus maintenant que de la braise, sous la cendre, une douce chaleur régnait. « Température propice, » fit le détective. « Ça n'a pas réussi jusqu'à présent parce qu'il ne faisait pas assez chaud, mais ce soir, c'est à point. » Comme il disait cela, dans le silence de la chambre, un zizillement se fit entendre, puis un autre, puis plusieurs. « Les voilà, » fit Paulin Broquet, toujours immobile. « Les voilà, je les attendais. Enfin, ils sont là. » Le zizillement, après avoir flotté dans la chambre, si l'on peut dire ainsi, erré, cherché, vint à lui, tourna autour de lui. Paulin Broquet avait relevé ses manches et mis à nu ses avant-bras guéris à présent, mais portant encore les traces des cordes du garrot de la nouvelle barbotière, de l'atelier de la maison Zulma. Il posa ses mains sur sa figure, pour garantir ses paupières, et attendit, offrant l'appât de ses bras musclés, sillonnés de veines généreuses. Aux trompes des moustiques qui emplissaient la chambre maintenant, des moustiques qui apportaient la malaria, la peste, le mal, qui répand la terreur, la mort. Il se laissa piquer longuement, sans bouger, regardant à travers ses doigts ses points noirs sur ses bras, qui, tout en buvant son sang, déposaient dans ses veines le poison épouvantable. Et cet acte encore était horriblement héroïque. Mais il fallait au détective une preuve que l'on ne put réfuter qui devait accabler le criminel. Paulin Broquet la gagnait, avec quel courage, quel stoïcisme. Cet homme était admirable vraiment. Les moustiques, gorgés de sang, comme ivres, un à un se détachèrent de ses bras et tombèrent. Leur rôle était rempli, ou plutôt la mission qu'on leur confiait. En d'autres pays, ils fussent partis, transportant ailleurs le mal. Ici, malgré le feu allumé tout à l'heure, le froid de la nuit gagnait et pénétrait dans la chambre. Les moustiques ne pouvaient vivre à cette basse température. Ils tombaient repus, les ailes larges, leurs longues pattes étendues, raidies. Paulin Broquet alors, avec précaution, ramassa les corps de ses assassins ailés et les plaça délicatement dans une petite boîte de nickel dont il s'était muni, et reprenant sa place dans son fauteuil, il attendit encore de longues heures, voyant les pointes rouges de ses bras grossir et le mal qui répand la terreur commencer son œuvre épouvantable.